12. Le père Dodu. J'allais répondre, j'allais tomber à ses pieds, j'allais offrir la maison de mon oncle qu'il m'était possible encore de racheter, car nous étions plusieurs héritiers et cette petite propriété était restée indivise. Mais en ce moment, nous arrivions à Loisy. On nous attendait pour souper. La soupe à l'oignon répandait au loin son parfum patriarcal. Il y avait des voisins invités pour ce lendemain de fête. Je reconnus tout de suite un vieux bûcheron, le père Dodu, qui racontait jadis aux veillées des histoires si comiques ou si terribles. Tour à tour berger, messager, garde-chasse, pêcheur, braconnier même, le père Dodu fabriquait à ses moments perdus des coucous et des tournebroches. Pendant longtemps, il s'était consacré à promener les Anglais dans Ermenonville, en les conduisant au lieu de médiation de Rousseau et en leur racontant ses derniers moments. C'était lui qui avait été le petit garçon que le philosophe employait à classer ses herbes et à qui il donna l'ordre de cueillir l'essigu dont il exprima le suc dans sa tasse de café au lait. L'aubergiste de la Croix d'Or lui contestait ce détail, de là des haines prolongées. On avait longtemps reproché au père Dodu la possession de quelques secrets bien innocents, comme de guérir les vaches avec un verset dit à rebours et le signe de croix figuré du pied gauche, mais il avait de bonne heure renoncé à ses superstitions, grâce au souvenir, disait-il, des conversations de Jean-Jacques. « Te voilà, petit parisien, me dit le père Dodu, tu viens pour débaucher nos filles ? Moi, père Dodu ? Tu les emmènes dans les bois pendant que le loup n'y est pas ? Père Dodu, c'est vous qui êtes le loup. Je l'ai été tant que j'ai trouvé des brebis. À présent, je ne rencontre plus que des chèvres, et qu'elles savent bien se défendre. Mais vous autres, vous êtes des malins à Paris. » Jean-Jacques avait bien raison de dire, l'homme se corrompt dans l'air empoisonné des villes. Père Dodu, vous savez trop bien que l'homme se corrompt partout. Le père Dodu se mit à entonner un air à boire. On voulut en vain l'arrêter à un certain couplet scabreux, que tout le monde savait par cœur. Sylvie ne voulut pas chanter, malgré nos prières. Disons qu'on ne chantait plus à table. J'avais remarqué déjà que l'amoureux de la veille était assis à sa gauche. Il y avait je ne sais quoi dans sa figure ronde, dans ses cheveux ébouriffés, qui ne m'était pas inconnu. Il se leva et vint derrière ma chaise en disant « Tu ne me reconnais donc pas, parisien ?» Une bonne femme, qui venait de rentrer au dessert après nous avoir servi, me dit à l'oreille « Vous ne reconnaissez pas votre frère de lait ?» Sans cet avertissement, j'allais être ridicule. « Ah, c'est toi, grand frisé, dis-je. C'est toi, le même qui m'a retiré de Lyon ?» Sylvie riait aux éclats de cette reconnaissance. « Sans compter, disait ce garçon en m'embrassant, que tu avais une belle montre en argent, et qu'en revenant tu étais bien plus inquiet de ta montre que de toi-même, parce qu'elle ne marchait plus. Tu disais, la bête est nayée. Ça ne fait plus tic-tac. Qu'est-ce que mon oncle va dire ?»« Une bête dans une montre, dit le père Dodu, voilà ce qu'on leur fait croire à Paris aux enfants. » Sylvie avait sommeil. Je jugeais que j'étais perdu dans son esprit. Elle remonta à sa chambre, et pendant que je l'embrassais, elle dit, « À demain, venez nous voir. » Le père Dodu était resté à table avec Sylvain et mon frère de lait. Nous causâmes longtemps autour d'un flacon de ratafiat de Louvre. « Les hommes sont égaux, dit le père Dodu entre deux couplets. Je bois avec un pâtissier comme je ferais avec un prince. Où est le pâtissier, dis-je. Regarde à côté de toi, un jeune homme qui a l'ambition de s'établir. » Mon frère de lait parut embarrassé. J'avais tout compris. C'est une fatalité qui m'était réservée d'avoir un frère de lait dans un pays illustré par Rousseau, qui voulait supprimer les nourrices. Le père Dodu m'apprit qu'il était fort question du mariage de Sylvie avec le grand frisé, qui voulait aller former un établissement de pâtisserie à Dammartin. Je n'en demandais pas plus. La voiture de Nanteuil-le-Haudouin me ramena le lendemain à Paris.